Bon Dieu dit, monde qui tend des paroles et qui met en pratique, c'est monde ça qui a joué une bénédiction. Parole céleste Dieu, tend des messages ça. Non. Choisis Jésus. Jésus qui tout puissant, yon Jésus qui s'empare, yon Jésus qui bail victoire par mélange avec Satan. Si c'est vrai, petit mon Dieu, mette confiance ou nan lui-même. Ou pape j'en doit prendre honte là, que tout comme sans réserve. Ce Nicole, ou pas de j'aime doke Jésus, non. Ou pas de j'aime trahi Jésus, non. Ou pas de j'aime troquer Jésus, non. Ou pas de j'aime trahir Jésus, non. Yon Jésus qui plein pouvoir, yon Jésus qui merveilleux, yon Jésus qui pape ton père ou c'est pour un mel sans limite. Si ou chrétien chargé problème, ou te met plié tes doux, la guéfado yo bali wa va joindre vraie solution. Sœur Evna. Ou pas de j'aime troquer Jésus, non. Ou pas de j'aime trahir Jésus, non. Ou pas de j'aime troquer Jésus, non. Ou pas de j'aime trahir Jésus, non. Danser, danser pour Jésus. Qui j'en danse très très bien là pour Jésus. Alors, si ou son vrai chrétien. Ou ou besoin ve moun an kachet ou al nan bal nan kanaval. Non, c'est la place ou. Pas gagné mal qui carré. Bon Dieu content, voici là oui. Pasteur Emmanuel Garçon, première église baptiste par la foi. Parole céleste Dieu, bon travail. La Gecko. Tá, Celeste.